je te parle, tes quatre frères, inocultant, batailleur, situant Kumata et l'Afrique. Précisément dans le canal de Mozambique. Putain, je finis souvent en larmes quand tu penses à ce qui ont tué les darons à l'époque d'Ali Swali. La présence des Européens n'a fait qu'empirer les choses. Adrian Antouli, on comprend tes joies. T'as sacrifié ta terre pour avoir la paix. Mais seulement ils nous ont tendu la main pour ensuite profiter de la richesse de notre culture. 1946, les Comores deviennent les territoires d'outre-mer. Du rappeur, l'indépendance avec les frères ou la colonisation avec la France, c'est la douloureuse. Mayotte, la française, Montélian, joie et Gazidia, toujours père de leur racine. Et long combat sans fin commence. Pour certains, c'est la torture, puisque la France n'assume pas ce refus. Eux-mêmes savent que pour des nards, ce pauvre mercenaire n'avait qu'accomplir sa mission. Que dire de Mohamed Bakar? Que c'était un de l'heure. Que dire de sa dictature et de son drapeau? Comment l'homme fort a-t-il réussi à passer les frontières sans être aperçu par les radars? Et maintenant, où est-il? C'est la séparation totale, des cauchemars pour les familles des îles voisines qui vivent sur le territoire franco-maoré. Il a fallu faire un choix, la famille ou la belle-fille. Moi-même j'ignore l'existence de mes cousins qui sont de l'autre côté de la mer. Cela m'est donné goût amer, des liens coupés sans ma volonté. J'ai dû grandir sans l'amour des grands-parents, puisqu'ils nous imposent un visa pour circuler aux îles Comores. J'ai quitté mes vacances là-bas, car on m'a parlé de mon père, de sa jeunesse et de mon entourage. J'ai tout de suite compris d'où je venais, comprends mes dérapages.